J'écoute une histoire. La pluie et le beau temps. Unité 6, semaine 2. Tu ne dois pas oublier une chose importante, les jeux. Quand il y a la neige, adultes et enfants font du ski ou de la luge. Il y a aussi beaucoup d'autres jeux que tout le monde apprécie. Je comprends maintenant. La pluie et le beau temps, l'hiver et le printemps ont chacun son charme et ils sont inséparables. Maintenant, je connais la valeur de la pluie.